Et nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour cher Pierre, bonjour à tous. Quel 17 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 17 avril 1970, jour où le monde a retenu son souffle en entendant des nouvelles de la mission Apollo 13. Il s'agissait d'une mission vers la Lune, évidemment. Oui, c'est l'année précédente qu'on avait pour la première fois marché sur la Lune, mission Apollo 11, donc en 69, bien sûr. L'enthousiasme à l'époque avait été à son comble, Apollo 12 avait suivi sans encombre, et puis est venue cette mission Apollo 13. Et cette fois, tout est allé de travers. Trois astronautes ont été désignés pour aller fouler le sol lunaire. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît presque irréel, mais à l'époque, c'était devenu presque normal. Donc, trois hommes, Jim Lovell, le commandant, Fred Hayes, le pilote du module lunaire, enfin, Ken Mattingly, qui lui doit piloter le vaisseau en tant que tel. Or, c'est ce Ken Mattingly qui, juste avant la mission, présente les premiers symptômes de la rougeole. Inutile de vous dire qu'il n'est plus question pour lui d'aller partir pour l'espace. Et l'astronaute est remplacé par Jack Swigert. La mission décolle un 13 avril. Pour Apollo 13, il valait mieux ne pas être superstitieux. Mais surtout qu'un des moteurs de la fusée se met à lâcher. Heureusement, la perte de puissance est compensée par les autres moteurs. Le lendemain, donc 14 avril, les choses empirent. Cette fois, c'est un réservoir d'oxygène qui se met à exploser. La situation est dramatique. Cet accident remet en cause l'approvisionnement en oxygène et en eau. Alors avec un calme extraordinaire, Jack Swigert émet par radio cette phrase qui va devenir mythique. Houston, we have had a problem. Et quel problème ! Quel accent ! L'équipage se réfugie dans le module lunaire, pas du tout conçu pour accueillir trois passagers, ai-je besoin de vous le dire. Comprenez bien qu'il est impossible de faire demi-tour. Une seule solution, continuer vers la Lune et s'appuyer sur sa propre gravitation pour prendre de l'élan, faire le tour et repartir vers la Terre. Il va falloir 4 jours à l'équipage pour finalement venir amerrir en plein océan Pacifique ce 17 avril 1970 donc. Extraordinaire mission, merci de nous l'avoir rappelé. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, nous ferons mieux connaissance avec les fameuses nièces de Mazarin. Merci Franck, à tout à l'heure.